La porte s'ouvre, la porte se referme. La porte s'ouvre, la porte se referme, encore et encore, inlassablement je tiens, une main, une caresse, saisie. Brouillard enneigé, se tient la porte, vibre, assourdissant vacarme, close. La porte s'ouvre et se referme, bel hiverne. La porte s'ouvre et se referme, foutaise. Frissonnant écueil, recueil de paroles inondées, et la porte s'ouvre, s'enferme, s'entrouvre, s'entreferme, et moi j'acquiesce cette putain de folie, putain d'avatie. Poigne d'un brin, chatavos s'envole, et la porte s'ouvre, la porte se referme. Humide couloir, foutoir, foutoir. Humide chatte, lucide et plate, la porte se referme.